chez les Watts. Psychothérapie. Peut-être une victoire française et un maillot jaune, peut-être. Franck Fitzik. Et oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire. Let's sort de ce corps. Je vois là-bas le peloton. Wistrelam, je sais pas comment ça se prononce, je sais même pas comment ça s'écrit, à vrai dire. Il y a un ferry pour partir en Grande-Bretagne. Je vous avoue, je l'ai pas pris. J'ai moyennement envie d'aller là-bas. On est à 16,5 km aujourd'hui pour l'instant. Oh, on n'est pas passé par Caen finalement. Oh. Je suis retombé sur la voie l'Euroroute 4, là, la voie maritime, et puis je me suis dit, oh, elle est quand même bien agréable, je vais la suivre. Et elle nous emmène jusqu'aux plages du débarquement, jusqu'à Omaha. Et après, il y a un changement direct par là, vers le Mont-Saint-Michel. Il y a une autre route de vélo qui part vers le Mont-Saint-Michel, et c'est notre destination suivante. Donc je me suis dit, allez, c'est nickel. Tant pis pour Caen. Désolé Caen. On reviendra un autre jour. C'est pas grave. Hein. Je me suis arrêté sur une petite plage. Enfin sur une petite plage. Les plages de Normandie et du Nord, quoi. Elles font 5 ou 6 km. Mais il y a plein de familles. Et puis à un moment, en arrivant, je me suis dit quand même, c'est bizarre, il y a 100 personnes, mais qui sont en petits groupes étalés sur peut-être 100 mètres de large. Et je me suis dit quand même c'est étrange. Ça, vu la taille de la plage, soit il y a une restriction, soit ils sont tous ensemble. Parce qu'il y a quand même des gens ailleurs, très très peu. Puis en fait je me rends compte que c'est probablement des associations de quartiers défavorisés en fait. Où en fait il y a plein de familles. Et c'est trop cool parce que j'ai l'impression qu'il y a des gamins qui découvrent un peu la plage, la mer. Et puis là, heureusement, il y en a qui m'ont fait plaisir. Ils sont venus jouer au foot juste devant moi. Je suis sur un banc, puis il y a deux petits buts. Et puis évidemment, ils ont un ballon. Hop. C'est pour ça que je me suis mis un peu en micro qui capte un peu plus loin. Pour essayer de vous faire écouter un peu le match qui se joue là. On comprend pas très bien les deux équipes, hein, mais c'est pas grave. Là. Il y a un mec qui fait délirer, qui est sur le bord un peu, qui est avec eux, qui les accompagne, je sais pas qui c'est pour eux, mais il est là et vraiment il commande tout et il fait que des remarques et il se marre à chaque fois qu'il dit un truc. Il se marre tout le temps, il est trop drôle. C'est agréable de les voir s'amuser quand même. C'est quand même pas mal d'être capable de s'amuser en regardant des gens s'amuser. C'est quand même un concept d'empathie assez fort chez l'être humain, non? Moi, je trouve ça incroyable. Ah, attention, on va y avoir but, non? Et ça tacle, hein. Ils n'hésitent pas, ça tacle. Hein. Là, on a entre, je sais pas, 11 et 16 ans, peut-être. 11 et 15 ans. Et ça tacle, hein. Il y a le but. Il y a des petits nerveux. Ils sont un peu vénères. Ah, sur la route ce matin, j'ai croisé pas mal de vélos touristes. Du coup. Puisque évidemment, vu qu'on est sur une vraie route cyclable et pas sur des vieilles départementales pourries, on voit des cycles. Ce qui est normal. Donc j'ai croisé d'autres gens. Alors il y en a deux qui faisaient le voyage de la vélo maritime mais dans l'autre sens, et puis après sinon c'était des familles, des groupes qui faisaient juste une étape comme ça entre Caen et je sais pas où, et j'ai filé un coup de main à quelqu'un en fait, parce que bon, déjà c'est agréable parce que ça permet de discuter un peu avec des gens. Bon, c'est difficile d'enregistrer, de capter, parce que c'est des moments c'est des moments sur le moment quoi. Et mon téléphone, il est dans la sacoche, il faut le sortir de la sacoche, il faut le déverrouiller, moi j'ai un code super long, il faut aller chercher l'appli d'enregistrement, il faut trouver le bon mode, il faut enregistrer, c'est un peu long quoi, c'est chiant. Donc bon, je le fais pas, mais bon, je vous raconte quand même, on a croisé des gens, on a discuté 5 minutes, temps de prendre une pause, de manger un biscuit. Et puis il y en avait une pauvre petite, là, ils étaient deux parents, trois enfants, elle venait de se faire piquer par une guêpe à la lèvre. Donc sa lèvre était en train de gonfler, heureusement elle avait pas mal, hein, parce qu'une piqûre de guêpe ça peut piquer, bah, ça pique en l'occurrence, mais genre, la douleur, peut y avoir de la douleur. Et là elle sentait rien, et du coup j'ai proposé un petit peu d'eau de lavande, je me balade avec une petite bouteille d'eau de lavande, parce que bah, je sais que ça calme les piqûres justement, les piqûres, les irritations, tous ces trucs là. Je l'avais emporté pour ça. Et bah voilà, au moins, elle aura servi au moins une fois pour l'instant. Son père lui en a aspergé plein la gueule. Ah, c'était... Ah, je me suis retenu de rire, la pauvre, elle en a pris plein la gueule. Ah là là. Je lui ai dit, bon, tu vas avoir un drôle de goût de lavande dans la bouche, parce que c'est les résidus de l'extraction d'huiles essentielles de lavande, l'eau de lavande. Donc c'est ce que tu récupères à la fin de la production, quoi. Oh, y a un petit qui s'est pris un énorme shoot dans le torse, là. Allez, on vient le frotter, on vient le rassurer, on le frotte, on le sort du terrain 2 minutes. Voilà, le grand l'a pris pour le conforter, là, celui qui fait toutes les blagues, il lui dit ça va. Il lui dit maintenant tu vas être énervé dans ta tête et tu vas les défoncer. C'est trop bien. Il y a du char à voile aussi derrière là. Ça j'aimerais bien essayer un de ces quatre. Bon pas là parce que là je suis bien posé sur mon banc. Puis ça fait chier quoi, faut poser le vélo quelque part, faut le sécuriser. Mais ça c'est bien un truc que j'ai envie de faire un jour ça. Je sais pas si sur les plages de Bordeaux, tout ça Biarritz, s'il y en a. J'aimerais bien me poser là, vers là-bas quelques jours, et vers Bordeaux, tout ça. Et s'il y a ça, j'aimerais bien faire ça. Ça, faire du kitesurf, peut-être prendre un ou deux cours de surf aussi, pourquoi pas, vers là-bas. Ça serait sympa, ça. J'ai bien envie, j'ai jamais fait ce genre de truc. Voilà, mais c'est Maradona, lui. Bon. Alors j'ai cherché là, normalement il y a ici le... Ouf, gros shoot dans la tête, le mec est tombé. J'ai cherché le... Il y a un truc qui s'appelle le Grand Bunker, qui est un mémorial, qui est un musée du mur de l'Atlantique. Bah, je l'ai pas trouvé. Il y avait plein de panneaux, des grands panneaux et tout. Et je me suis dit, bon bah tiens, je vais aller à celui-là. Il y avait le musée Pegasus à côté, je me suis dit, je vais pas y aller. Alors le Pegasus, c'est le pont. C'est un pont où a atterri la première division aéroportée britannique le 6 juin 44, qui était un des objectifs du débarquement, prendre ce pont pour couper la route d'éventuelles retraites allemandes et d'éventuels renforts aussi. Et du coup, ils ont appelé ça Pegasus, Pegasus Bridge, parce que la compagnie aéroportée qui débarquait à cet endroit-là avait comme blason un cheval monté qui s'appelait Pegasus, qu'ils avaient nommé Pegasus. Donc c'est devenu le Pegasus Bridge. Il y a une reproduction du Pegasus Bridge parce que je crois qu'il a été détruit du coup. Il y a une reproduction du pont à cet endroit-là et un petit musée mémorial à côté. Bon, j'y suis pas allé. C'est à cet endroit-là qu'il y avait plein de gens en fait. Par contre, du coup, je me suis dit, bah, je vais aller au Grand Bunker. Il faut que je cherche, parce que y a des grands panneaux à l'entrée de la ville où il est, et puis après il n'y a plus d'indication. Moi j'ai, oh là là, mais lui là-bas son char à voile, il fait du 2 roues là. C'est 3 roues à char à voile. Il y a tellement de vent, le gars il fait du 2 roues. Ah, ça doit être kiffant ça, ça doit être kiffant. Mais bon, je sais pas en faire, là je serais pas confiant d'en faire là tout de suite. On est au score. Bah là c'est un entre-deux, c'est pas de la route. Non, c'est pas de la route, c'est un gravel. Oui, mais D'abord, le volant, c'est... Ouais, c'est les mêmes formes. Oui, oui. Mais ça peut accueillir, en fait, j'ai des roues qui sont plus larges. Oui, plus larges, oui. Comme ça, ça me permet de rouler sur du gravier, des petits cailloux. Le terrain, un petit peu. Parce que sinon, j'aurais déjà crevé, vu les routes. Et les freins, ils sont bons aujourd'hui, hein. Ah ouais. Les freins de disque. Ah bah, ça freine. Ça freine, oui, ça freine. Mais c'est moins dangereux que des freins en bloc. J'avais, ils freinent très bon, très, très, très fort aussi, mais... Sur la voie. Avec des vélos, c'est bloqué, ça c'est un peu mieux. La vache. Ouais. Et ça dose bien. Ouais, moi j'ai peur, bien. J'aurais peur de freiner de l'avant avec un vélo. Ben non, mais il faut, hein. comme en moto. Hein. Si tu veux freiner, il faut. C'est bien en moto et c'est comme ça que tu t'arrêtes. Ah, bon, par contre, j'évite de bloquer. Un vélo, parce que si je bloque, par contre, c'est fini. Hein. Là, je pars. Ah même un vélo, c'est le plus important que tu freines avant, mais avec le dos en arrière aussi. Sinon. Surtout que là j'ai du poids donc je peux pas trop freiner de l'arrière. Oui, oui, oui, oui. C'est pour ça que j'en ai mis à l'arrière aussi parce boxe. Que. Oui. La salle. Tu connais. Ouais, oui, tu connais. T'en avais une? Non. C'était rallye. Mon bicyclette. Rallye. On roulait à deux. On a roulé à deux aussi. Oui. Ouais. Nous deux, oui. Alors vous avez fait le tour de Hollande. Oui, j'ai roulé en France avec mon fils, mais c'était en Ardèche. Ah, mais là-bas, c'est elle pas était plus jeune, hein, beaucoup plus jeune. Ah oui, c'est pas plat. Les gorges d'Ardèche. Ah, ouais, ouais. Ouf, Eleni. C'est pas là-bas quand t'as évolué ta selle. Mon fils, il a fait 16 années. Il est parti. C'est pas là-bas quand t'as évolué ta selle. Oui, je pense que c'était là-bas aussi. Oui. C'était une fois. J'avais stationné mon vélo à un magasin pour faire une course. Ah bon? 10 minutes et je retourne et pas vu quand même, hein. Je prends le vélo, je vais. Ça fait drôle. Pas de sel. On a piqué, il a un truc comme ça. On clique, on prend le sel. Oui. Moi je connais un gars, tu vois le truc de l'agence de voyage, ça là, à Pont-de-Buis. Mm-hmm. Tu vois le grand truc, le grand bâtiment en vert. Ben, lui un coup il était à l'hôtel, je crois que ça tourne. Et puis il avait l'alarme sur sa bagnole, donc ça sonne une fois, il descend, il n'y avait rien. Ça sonne deux fois, toujours rien. Trois fois, que dalle, personne. Alors le gardien de l'hôtel, il dit finalement ben, de la couper parce que ça réveille tout le monde. Quoi. Non, il l'a coupé. Il a volé. Ah ben il n'y a plus de voiture le lendemain. Mais non. Ah non. Ah ben oui. Ah, il nous dit à 8, quand même. Quoi. Okay, ouais. Et voilà. C'était un voleur quand même. Oui, mais je pense que le gardien de l'hôtel était ah oui, peut-être, était c'est peut-être lui qui allait la secouer pour la mettre en route d'ailleurs. Et puis dès qu'elle a été enlevée, les autres sont venus, puis hop, ils sont partis avec la voiture. Il n'a jamais su quand. Il en a marre, le lendemain matin. Ah ben il devait être heureux, regardez. Sûrement que cet hôtel-là est mis dans leur truc de voyage. Ça c'est sûr. Vous me laissez un mauvais avis sur internet. Ah ben tu m'étonnes. Mais... Et du coup, vous faites combien de kilomètres par jour Là, on a fait 300 aujourd'hui. 300 aujourd'hui. Ouais. Bon, mais, vite. Hein. Donc, samedi, ils vont faire 700. On est parti à 10h30 ce matin, 10h15 peut-être. On a pris la route ici vers tous les villages, vers direction vers toute la côte. C'est beau aussi. Pique-nique, j'ai adoré. On a visité le musée là-bas. Et après, retour de National. Bon, c'est un peu 1h15, je pense. Pour revenir, ça a été plus vite. Et t'as vu le gars en Harley là, il a même pas de lunettes, rien sous les yeux. Il roule comme ça. Tu prends une guêpe ou un truc dans l'œil, bah t'es bien. Faut pas être bien. Hein, il faut une fortune dans la bécane et puis il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de quoi acheter une paire de lunettes. Ouais. Et du coup, vous faites ça pendant combien de temps là? Une semaine. Une semaine? Samedi, on part. Chacun de son bord. Oui, oui. Moi, je pars par là. Et vous parlez super bien français. Oui, mais j'ai... Bon, combien de temps j'ai passé des vacances en France? Depuis ma jeunesse et depuis avec mes enfants petits et tout. Et maintenant, à moto, j'ai trouvé des copains au circuit, motosport. Des Bretons, alors, et puis des Bourguignons aussi, et puis Rouquin du Pyrénées. Ouais, finalement, ça fait un peu partout. Ah, bah, oui. Et j'aime bien leur langue, alors c'est bon. Ça n'a pas été trop difficile à apprendre? Pour moi, non, parce que déjà à l'école, j'ai aimé immédiatement la France, le français. Alors, ben, c'est bon, et beaucoup en France, en Rocker aussi. Wallis, c'est un peu plus difficile. Ah bon, pour les Hollandais en général, c'était difficile. Quand on s'est connus, tu parlais pas beaucoup français. Hein, français. Vraiment comme ça, hein. Comme ça, oui. Oui, ça commence. Oui. Ah oui, ça va. Mais bon, le problème, c'est que la plupart des gens, on a peur de parler. Alors, on a peur de faire des fautes, ils vont penser pour nous traduire. Il faut parler. Oui. On m'a rigolé beaucoup aussi. Hein, mais oui. Mais bon, je rigole toujours parce que j'ai dit toujours, les Français, ils ne parlent pas un mot hollandais. Alors, exactement, c'est vrai. C'est toujours mon avance. Pourtant, il y a beaucoup de Hollandais en vacances là. Oui. Là, oui, mais ça m'étonne. Je vois que des Hollandais, moi. Oui, il y a beaucoup. Ici, c'est fou. C'est très populaire chez nous, la France, en vacances, c'est très populaire. On n'a pas regardé aujourd'hui, mais... La plupart des gens, ils ne parlent pas les Français. Mais j'étais à Honfleur, il y a 2 jours, il y avait le camping, c'était que des Hollandais. Ah oui? Que des Hollandais. Même cette il y avait année, un Belge et que des Hollandais. Même cette année, parce qu'on n'est pas parti beaucoup, hein. Depuis le virus. Oui, c'est pour ça, en plus, ça m'a étonné. Oui, même ils viennent maintenant. Mais on ne fait pas de vacances à avion, maintenant on va au... Ben oui, c'est ça. Oui, en auto, oui. En voiture. Moins par avion, mais bon. Mais les... Oui, oui, oui. Puis c'est là que tu nous as dit, c'est la fête nationale. Fête nationale. Ah, d'accord. Ok. Oui, c'était à Chicago. Oui. C'était en avril. La grande roue, juste devant le palais royal. Oui. J'ai dit qu'on verra ça en France, devant l'Elysée, ben, il fera chaud. Hein. Ah, mais juste devant les fenêtres, quoi. Incroyable. Oui. Comme ça, le roi doit avoir des tours gratuits. Ah, pour lui, tout est gratuit. Alors, c'est nous qui payons tout. On le paye un salaire de quelques millions d'euros par année. Et même après, tout est gratuit pour lui. Tout est gratuit. Entretien palais, entretien voiture, entretien bateau. Ouais, ouais. Allez. Prochaine fois, quand on reviendra, on fera roi aussi. Ah, oui, oui, mais je vais solliciter. Ouais. Vous pouvez acheter un petit domaine. Ah oui. Faire comme si. Ouais. Wow, pourquoi pas un grand. Ça y a plus. On commence coup, bon. Hein. Liechtenstein, ouais. Oui, on va là, on est Monaco, ça. En Ferrari, on va changer un peu. Décapotable. Un vélo comme ça pour toi. Pour moi? Oui. Oui. Oh là là. Quelle journée encore, monsieur Dame. Alors là, je ne vais pas parler très fort parce que je suis dans un camping municipal. Alors il y a plein de gens autour. C'est un tout petit camping. On est à Arromanche, dans le Calvados, il me semble, c'est ça, hein, Calvados, hein, dans le département ici, je sais pas. On est le long des plages du débarquement, hein, comme j'ai dit. Et on a longé les plages du débarquement aujourd'hui. Donc là, on a fait Sorde, on a fait Juno et on a fait Gold. Donc c'est le nom des plages. Et puis après, il y a encore Omaha et Utah. Donc Omaha, j'irai demain, au moins pour voir. Mais il faut monter, parce que s'il y a des falaises entre Gold et Utah. Et après, et Gold et Omaha. Et après, il y a encore des falaises entre Omaha et Utah. Et Utah, c'est la plus grande plage. Elle fait plusieurs kilomètres. Omaha, c'est une toute petite qui était entre deux falaises. Et Gold, c'est celle qui est ici à Romanche. C'est là où, une fois que le débarquement en 1944 s'est passé, ils ont construit un port qui faisait 700... Attends, combien elle a dit tout à l'heure? Parce que j'ai été au musée du débarquement ici. Et elle a dit qu'il y en a eu pour 700 hectares, je crois. Hein. 700 hectares de porc développés. C'était ça? Ouais, 7 fois de terrain, 700 terrains de foot, un truc comme ça, je sais plus. Mais c'est un truc gigantesque. Et en fait, dans le musée, ils montraient comment ils avaient construit le port, comment ils avaient tout transporté depuis l'Angleterre pour venir construire un port ici, qui a permis, du coup, la prise de Caen, un mois après le débarquement, ce qui est énorme. Et 15 jours plus tard, ils ont pris Lisieux, qui est un petit peu plus loin, qui est à 15 km. Et après, en 5 jours, ils étaient à Paris, quoi. Donc assez impressionnant. Et c'est par ici que toutes les troupes sont passées. Et donc, bah, du coup, j'ai dormi ici. parce que déjà il était l'heure de trouver un endroit où dormir. Mais donc voilà, aujourd'hui on est passé par toutes ces plages là, c'était assez impressionnant. Il y a eu des moments d'émotion forcément, hein. Il y a eu un moment assez incroyable, assez surréaliste où il y avait une petite famille anglaise qui était là, avec un très très vieux monsieur dans une chaise roulante. Ils étaient face à un mémorial à Sword. Donc Sword, c'est là où il y a les Anglais qui ont débarqué et le commandant, enfin le commando qui est fer. Le commando qui est fer, c'était la troupe française du débarquement, qui était des fumiers marins, quoi. Donc c'est de à eux maintenant qu'on doit maintenant pas mal de trucs, notamment les commandos béret vert, quoi. C'est l'héritage direct du commando qui est fer. Je vous invite à aller regarder Marius, hein, notamment. Les reportages sur les commandos de marine font référence toujours à ce commando-là, qui s'était entraîné en Angleterre et en Écosse sur les terrains de la Royal Marines. Bref. Oui, donc il y avait cette famille-là. Ils étaient sur un mémorial, enfin un monument aux morts de troupes anglaises et bah il cherchait son frère ou son père, j'ai pas très bien compris, et ça m'a coupé les jambes, quoi. Je me suis mis à chialer, alors je j'ai pas montré évidemment parce que c'était ridicule, mais voir l'image de ce gars-là qui devait avoir, mais je sais pas, il avait plus de 90 ans, c'est sûr et certain. Il avait l'air très très grand en plus. Il avait plus de 90 ans. Et le voir en train de chercher comme ça un nom sur la stèle, oh là là, là ça commence à remonter. Rien que d'y penser, c'était surpuissant. C'était surpuissant. Surtout qu'avant, bon, j'ai déjà fait une partie. C'était au bout de Sword, je crois. Donc on avait déjà vu des trucs, déjà imaginé des choses, hein, parce qu'on se revoit là en train de revoir un petit peu pas mal de trucs, de films, d'images, d'archives qu'on a pu voir, etc. Et de la boucherie que ça a pu être, de revoir tout ça, c'était assez fort. Et ce moment en particulier, ouais, là ça, j'étais en deux, quoi. C'était obligatoire, hein. C'était beaucoup trop fort. J'en ai eu pour 10 minutes, hein, 10-15 minutes d'ailleurs. Et puis après, pareil, en arrivant à Juno Beach, donc c'est l'endroit où les Canadiens principalement ont débarqué, avec d'autres nations, notamment des Polonais, j'ai lu. J'ai trouvé le monument aux morts des Polonais. 16 000 Polonais sont passés par là. Et Juno, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un centre de Juno Beach qui est géré par des Québécois en fait. Et c'est vraiment des Québécois qui gèrent le centre de mémoire à leurs soldats disparus. Et j'ai trouvé ça très très cool que ce soit vraiment des mecs de là-bas qui travaillent ici pour ça, quoi. Respect. Et du coup, après, on a atterri à Romanche déjà pour y camper. C'est une petite jolie ville, voilà, qui a été reconstruite du coup forcément après 44. Et puis on a pu voir donc ce musée là et les falaises là. Il y a des magnifiques falaises, hein, accessoirement. Bon, sinon, aujourd'hui, fin de journée, on a fait 50, 52 km, je sais plus, tranquillement. Petit rythme, mais franchement, c'était pas désagréable du tout. On a passé une très, très bonne journée. En tout cas, enfin, c'était riche en émotions. On a vu plein de paysages différents. On avait quand même commencé par l'estuaire de l'Orne et plein de marais, etc. Ici, on a eu des marais aussi. Un tout petit peu. D'ailleurs, j'y suis passé, j'ai dû faire demi-tour parce que je pouvais plus passer avec mon vélo. On s'embourbait, on pouvait pas passer. Et puis juste voilà, des falaises, des grandes plages, des monuments, des restants du port. Ici, au bord de Haromanche, il y a des restants du port qui a été construit par les Anglais pour débarquer les troupes, quoi. Mais c'est des trucs, c'est monumental. C'est des trucs monumentaux. Des blocs de béton de 18 mètres de haut, voire 50 mètres de large. Enfin, c'est des trucs de fou furieux, quoi. Vraiment, du génie militaire incroyable. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, bonne journée. Pas très joyeuse. Mais voilà, c'était le jour de mémoire. On est passé par la Croix de Lorraine de Courcelles-sur-Mer. Plein d'endroits comme ça. Plein de monuments aux morts, de grandes plages. Il y a une ambiance très, très solennelle, quoi. On sent que tout le monde sait ce qui s'est passé. Et voilà, c'est une ambiance un peu étrange, quoi. Alors, personne ne fait la fête par ici, quoi. Et la région est un peu construite là-dessus. Bon. Sinon, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème de vêtements. Ah d'ailleurs, tiens, je la porte là, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, c'est là. J'ai eu un problème avec ma veste chaude. Je l'avais mise ce matin. Et puis après, dans la journée, il a commencé à avoir du soleil, heureusement. Le temps était pas trop mal hein, d'ailleurs. Le temps était très très bien même. Il y a fait du soleil quasiment sur toute la route. Il n'y a pas tombé une goutte. Bon, de temps en temps il y a du vent, mais bon, on est en bord de mer, on peut pas faire autrement. Mais à un moment, donc j'enlève cette veste et je la mets à l'arrière sur la tente qui est enroulée. Hein, je travaille pas ma tente dépliée. Je la mets sur la tente, coincée avec les fils là. J'ai des genres d'attaches. Et je sais pas comment, en bougeant, en roulant, en fait la manche est tombée. Et elle a commencé à frotter contre la roue, mais vraiment très très fort. Et pendant peut-être 5 minutes, j'ai rien entendu. Et au bout de 5 minutes, j'ai entendu un truc. Et je me suis dit, merde, il y a un truc coincé dans la roue. Et là je regarde. Et bam, la manche. Et là j'enlève la manche. Et vraiment, sur 20 cm, c'est complètement brûlé. Le truc a fondu et c'est même arraché. Il y a 3-4 trous là-dedans qu'il va falloir recoudre. Ça fait un peu nunuche, quoi. Surtout que c'est sur le dessus. Ça aurait pu être sur le dessous qu'on n'aurait rien vu. Mais là, c'est vraiment sur le dessus. Donc on voit très très bien les dégâts, quoi. Donc bon, moi qui porte la veste, cette veste-là, quand je sors en ville. En tenue civile entre guillemets pour avoir chaud, ben super quoi. Je me retrouvais avec un truc défoncé. Il y a des trous et tout. C'est vrai que les trous sont en dessous. Bon, sur le dessus. Ah si là il y a un trou. Mais c'est vraiment brûlé quoi. Et j'ai eu le même problème avec le câble du l'antivolant U. Qui à un moment pareil est tombé. Je sais pas comment. Ça a glissé sur le côté et c'est venu cramer sur la roue, quoi. D'ailleurs, notamment même, il faut demain que je pense à regonfler un peu les pneus, parce que les pneus sont légèrement dégonflés, surtout à l'avant. Tout à l'heure, j'ai eu peur que ce soit une crevaison, quoi. On verra, on verra, on verra. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Si, hier, j'ai oublié de vous parler de ma rencontre avec Gargamel, quand même incroyable, ça. Quand je suis allé faire des petites courses, hier, sur le chemin, je croise un type, un vieux. Peu bizarre et je vois qu'il commence à me parler. Alors moi j'avais mes écouteurs, donc j'avais mes écouteurs pour qu'on commence à discuter. Et là vraiment c'était Gargamel quoi, la même coupe. Enfin, il avait pas sa grande tunique noire, mais la même coupe. Et il avait des sourcils et des sourcils, mais j'avais jamais vu ça avant. Mais comme dans des, on aurait dit un costume quoi, un truc des sourcils trois au moins, honnêtement. Il y avait au moins 2 cm d'épaisseur, donc relevé légèrement vers l'avant. Mais je pense il y avait 2 ou 3 cm de sourcils, honnêtement. Et je sais pas, il me disait, ah, on est bien, on calme. Hein. Ouais. Ah oui, alors moi, bon, je rentre dedans, donc oui, bien sûr, là, ça fait du bien. Et puis, je sais pas, puis à la fin, je sais pas, on marche 50 mètres ensemble. Et puis à la fin, il me dit, bon, bah, je vais retourner dans ma résidence, hein, il n'y a personne. On est bien au calme. Hein. Là, vraiment, tu sentais le truc de... Bah, j'aime bien la solitude, mais je me fais chier quand même. Et je me suis vu un petit peu en lui, et tu sais, je me suis dit, ah, moi, j'aime bien être tout seul. Et puis finalement, quand je suis trop longtemps tout seul, je me dis, ah, quand même, je m'emmerde. Et j'ai eu le même un peu aujourd'hui avec un autre gars sur la route, qui est pareil, il marchait tout seul, et puis à un moment, il m'a parlé, et puis il m'a dit, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il m'a dit. Et à un moment, il y en a une, on aurait dit Rick Azaray, et elle s'est mise à me à gueuler. Alors, je pense que c'était pas du français, c'était pas possible. Hein. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Là, là, là, là. Oh, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte, cette tarée. Oh, elle était bizarre. Oh, peut-être qu'elle était pas française. Hein. Oh, j'espère qu'elle était pas française, parce que si elle était française, à mon avis, elle a des problèmes pour communiquer avec les gens. Hein. Oh, c'était hardcore. Enfin voilà, ça c'était ma petite rencontre avec Gargamel hier. Je l'ai appelé Gargamel parce que je trouve qu'il lui ressemble. Donc bon, alors demain, programme. Et ben demain, on va aller jusqu'à Omaha. Voir, parce que c'est. Pour moi, c'est iconique. Omaha, Utah, c'est Band of Brothers. C'est le soldat Ryan, voilà, tous les films, toutes les séries là-dessus, c'est fait pour les Américains, ça se passe là-bas. C'est et puis les plages ici, de toute façon, c'est Call of Duty, etc. Quoi. Les trucs, on a grandi avec, donc c'est puissant aussi de s'être construit un imaginaire autour de ça et de venir voir sur place comment c'est, comment l'espace est organisé. C'est assez fou. Même pendant il y a vraiment pendant une époque où la Seconde Guerre mondiale, ouais, il y a vraiment une fixette et une genre de d'admiration pour les héros et les batailles, etc. quoi. Donc être là, voir les choses, voir les mémorials, voir les musées, les visiter, voir des trucs d'archives et tout, c'est enfin, c'était vraiment une super journée. Elle a J'ai l'impression qu'elle, ça fait 3 jours que je suis là, en fait. J'ai tellement vu de choses que j'ai vraiment l'impression d'avoir vu énormément de choses. Et en vrai, il faudrait rester encore vraiment 3 jours pour tout voir, tout visiter. Il y a plusieurs musées, il y a plusieurs mémorials qui sont ouverts, il y a des points de vue un peu partout. Puis même jusqu'au bout de Utah, il y a des trucs. Donc il y en a encore pour 30 km, quoi. Voire même plus, 30-40 km. Donc... C'est très très riche. Mais bon, pourquoi pas y revenir avec quelqu'un et faire découvrir ça à quelqu'un d'autre. Hein. Et puis voir ce que j'ai pas vu. Pourquoi pas. Donc là, on va aller au Omaha. Et puis après, on va faire un... Donc là, je crois qu'il y en a encore pour 15 bornes. Parce qu'il faut passer, là, il y a des falaises. Alors moi, je vais pas descendre voir Omaha, je m'en fous. Je vais aller sur la falaise qui donne sur Omaha. Pour voir en fait, pour voir comment c'est constitué, comment l'espace et tout. Je sais que c'est pas grand, mais j'ai envie de voir, j'ai envie d'y être, c'est tout. Et après on fera une machine arrière pour revenir vers Bayeux, qui est une ville un peu pas très grande, pas loin d'ici, où passe la véloroute qui va directement vers le Mont-Saint-Michel. Et ça sera notre étape suivante, hein. Je l'ai déjà dit. Et on va rattraper cette route-là, et on sera bon pour la prochaine destination, entre guillemets. Moi, ça me paraît pas trop mal. Ah si, dernier truc, là, les petites douleurs dans la cuisse droite. Bon, aujourd'hui, ça allait. Il ne s'est pas passé grand-chose. J'y suis allé mollo. Bon, on sent que ça tire, hein, quand même. On sent que ça tire, mais les massages, le gel à l'armica, ça a l'air de fonctionner. Je vais encore en remettre là avant de dormir, du gel et un petit massage. Et puis j'espère que ça va aller, quoi. Pour l'instant, ça va. J'ai pas fait le fifrelin. On est allé doucement, on a marché, on s'est reposé. Donc c'est bien passé, quoi. C'est bien passé. Il faudra aller faire des courses aussi, note à moi-même. Putain, regonfler les pneus, aller faire des courses. Allez, je vous laisse, messieurs, dames.